Rainbow d'orange, rainbow d'aurenga. Ah, resplend la flûte s'inversa. Ah, resplend la flûte s'inversa, pes rencans rans et per terre tres, cals flûts, neus, gels et conglaplis que cots et destreigne et trenca. D'un vei morts, kills, crits, brais siscles en fuels, en rams et en giscles. Mas, mit en verte et jaus en joy, er, quand vei sex, rus zulens crois. Carena est si mou en vers, que bel plan, mi semble un terte, et en per flour lu conglapi, el cauts mes vis quel frei trenque, el tro mi sun chante siscle, et parm fuliat li giscle. Aissim su ferme la sats en joy, que res nouvei quem si accroie. Mas un agen fad en verse, cum seron urit en tertes, quem fam prupiets que conglapis, cus quex absalenga trenca en parla bas et ab ciscles. Et nui val bastus, ni ciscles, ni menaces, ans lures jois, can fans odonon lus clam crois. Car en baisan, nous en verse, nous mutol en plani terte, donna, ni geni cum glapi, mas nu puder trop en trenque, donna, per cus chante ciscle, vostre belluei mis un ciscle, quem casti un sil cor abjoi, quien nous aus aver talan croi. Anatai cum causa en verse, cercan rangs e vals e tertres, maris cum sel que cum glapi scuccia e maselle trenca, quem non conquistan ni siscle plus que folclers concergiscle, mas ar, dieu lau, malberga jois, malgrad el fos lausengiers crois. Movers an, cae si l'inverse, que nun tenium bos ni terte, lai, un om nu sen conglapi, ni afres puder quei trenci. Amidons, luciant el siscle clar, que el cor len introgiscle, sel che sap gen chantar abjoi, che nutagna chantadur croi. Doxa donna, amurs et jois nous ajuste malgrat des crois. Juglar, gran rei da mens et joi, car nous vei, en fat semblant croi.